ménage, tirer les marie-claire. On va rester bon, me suivre, c'est ça qui fait que moi, pas j'en content. Moi, gagne un petit ménage, tirer les marie-claire. On va rester bon, me suivre, c'est ça qui fait que moi, pas j'en content. Ménage la belle en forme. La lave marche dans la rue, mon capable de bébé caboulé. Monsieur Fanta Wessa, ménage la belle en forme. La lave marche dans la rue, mon capable de bébé caboulé. Maman, j'en viens à mon nom, qui gagne mauvais manière. Moi, pas faire ni confiance, qui retourne, c'est la mer. Quand mon remet du tabac, quand mon remet du café. Quand mon remet mon pédel, n'a pas chargé pour la claméra. Ma qui cagérie, la travail, maman, satisfaction. Oui, j'en connais maman, remet. La chef de la protagoniste. Aïe, ma qui tout la marie. La chef de la protagoniste. Ma qui tout la marie. La chef de la protagoniste. Ma qui tout la marie. La chef de la protagoniste. S'il a fouillé dans le côté, bonhomme, regardez. Qui parle ça? Il y a des petits pas chers, vous dites. En plus, il manque deux petits dans le vent. Regardez, grand monde. Regardez, non? Grand monde, on va nous charger avec douleur. Rien ou pas bon. Moi, j'ai un petit bolet au bout. Un petit bagaille douce qui peut permettre de vaciller tes cadavres. Vous comprenez, moi? Absurdité, l'inconduite, absurdité, mais l'inconduite, absurdité, l'inconduite, absurdité, l'inconduite, absurdité, l'inconduite. Hey, Gamon. Ah, regardez, non, on va jouer là. regardez non, c'est mettre corps sur côté, vous entendez? Pas jeune gens avec jeune fille pour embaucher. Parce que rite ça me pas croque ca kembel. Malé! Son autre bagaille. Seulement, au moins des saucisses. Parce que l'ajout qui t'a le manac longtemps. C'est pas tout pour des spatiles pour prendre mon jeune garçon. Parce que le papa pour vous. Attends, regardez, dis-je un homme, non. Regardez, mettez vos chines dans les oreilles, dis grand monde, non. Dans des salles, dis-le, tendez. Chérie, alors c'est jalousie, ça fait rire. Chérie, combien t-il de caoutchouc pompant qui a été usé votre jardin? Tant de questions pour qui vous en arrivez, posons grand monde. On voit ça.